émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial David Carrera. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est le Planète Rap, deuxième soirée avec monsieur David Carrera. Comment va? Comment va? Ça va bien? Bien, avec cette belle chaleur. T'as vu, on a l'impression d'être au Portugal. T'as vu? En France, c'est il, ça. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait beau. Et tu es là tous les soirs. Et ouais. Et voilà, avec ton album qui est sorti fin août. Bienvenue à toi, tu as des invités. Ouais, je vois beaucoup. Que tu es venu en nombre ce soir dans l'émission. Ouais, pas mal d'invités. Pas mal d'invités. Et il y a la famille, il y a DR, Dry. Monsieur Dry, avec Obrigado. Qui on t'a avec qui on t'a découvert pour beaucoup, ouais, son morceau Obrigado. Obrigado la famille. Bonsoir Fred. Tu me le dis pas en portugais, Dry? Ah, j'aurais un peu de mal. Hein. D'accord. Obrigado. Bon, tout va bien? Depuis la semaine dernière, j'ai envie de te dire. Ça va, à part une petite entorse au genou. Oui, on a vu ça. Donc je suis en mode béquille, mais bon, sinon ça va. Ça va pas t'empêcher peut-être de dire ce que tu penses de David Carrera, non? Oh, vraiment pas. Vraiment pas? Eh ben, tu nous le diras tout à l'heure. Avec plaisir. Bienvenue à Dry, en tout cas, qui est là. Et c'est vrai que l'aventure pour toi ici a commencé avec, ouais, avec Dry et ce morceau. Ouais, le premier morceau, le premier single qui est déjà sorti, je crois que c'était en novembre. En déjà novembre, c'est un petit moment quand même. L'année dernière, je crois. Ah oui, ça va vite. C'était juste après, ouais, la sortie de mon album. C'était, donc pas, novembre 2013. Octobre, ouais, c'était quelque part vers novembre. Donc, novembre, ouais. Donc ça remonte un petit peu. Ça remonte un petit peu. Autre invité. Et autre invité, il y a Tal qui est là avec nous. Monsieur Aboutal de Shinsekai. Exactement. The Shinsekai. Pareil, j'ai l'impression de refaire la semaine Watibé. J'ai l'impression que ça continue en fait cette semaine. Ça va bien? Très bien, et toi, moi? En pleine forme? Ouais, ça va. Pas d'entorse, rien? Pas d'entorse, rien. Dans les meilleures conditions pour pouvoir participer à ce Planète Rap. Eh bah, très bien, sois le bienvenu. On parlera aussi de votre relation à tous les deux, ouais, avant la fin de l'émission. Participer sur le titre Je suis ce que je suis. Mm-hmm. Et donc on s'est bien amusé. C'est vraiment une ambiance famille, tu vois. Dès que Dry nous a présenté, en fait, mm-hmm, j'ai vraiment compris qu'il y avait vraiment une ambiance famille et c'est cool. On travaille bien, on s'amuse et on fait de la musique, tu vois. Et bah très bien, et bah on va en parler aussi de cette histoire dans quelques minutes. On continue après, le tour de table. Il y a un inconnu qui s'est joué à la table, je ne sais pas. C'est un inconnu. Il n'y a même pas de micro. Attends, prends un micro, prends un casque. Il y a un Roumain qui est venu, on ne sait pas ce qu'il fait ici. C'est le meilleur. Il s'appelle Gary Fico. Bienvenue, mais il est connu. Ouais, c'est ça. Mais je sais, attends. Méfiez-vous. Gary, comment ça va? Bah, très bien. En pleine forme? Tranquille, ouais. Bah, tu veux répondre, lui mettre un petit tacle direct ou? Fais gaffe à ce que tu vas dire. Ou tu veux y aller tranquille? Non, on va y aller tranquille. Ok. Un petit mot par contre sur Gary Fico, ouais, que moi j'ai eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises. Ouais. Bah, Gary. Qui écrit? Gary, c'est avec lui que j'ai commencé cet album, en fait. Cette aventure. C'est comme si c'était mon grand frère, tu vois. Même si c'est moi le plus responsable dans l'équipe, tu vois. Il a pas l'air d'accord sur ce côté, je sais pas pourquoi. Non, mais j'ai vu ton visage. Quand t'as non, dit grand frère, t'as fait. Bon, okay. Non, c'est lui, je te jure. Il a fait une tête quand t'as dit grand frère. Ouais. Non, c'est vrai. Facile à cadrer, c'est un petit frère, alors il fait plus de bof. Il raconte que des conneries. Non, mais c'est avec lui que j'ai commencé cet album et c'est super de pouvoir partager ça avec lui, pour voir qu'il soit là dans mon deuxième Planète Rap, c'est cool. Dans la deuxième journée du Planète Rap. Eh bah très bien, bienvenue Gary en tout cas. Merci, comme d'hab. Vos messages, vous les balancez avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Hier on a été jusqu'à la deuxième position, hein, donc ce soir on peut mieux faire encore. Hier on a passé devant qui déjà? Viser le chaos. Non mais hier c'était compliqué, c'était cite un nom de je sais plus cite quoi. Cite un nom de ton bled. Un nom de ton bled, enfin c'est le hashtag improbable. Ouais. Ce soir j'ai pas regardé ce qu'on avait en face, mais je pense qu'on peut y aller. Et on avait dépassé Nicki Minaj. Nicki Minaj on l'avait dépassé, donc je pense qu'on peut y aller. On peut y aller, on peut cartonner tout ce soir, allez-y. Balancez avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Et puis on va se rappeler sur tout ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. David Carrera on Planet Rap. Skyrock. Le replay. Comment ça va David? Ça va et toi? En pleine forme, c'est ton premier Planet Rap pendant une semaine. Et ouais. Je suis né dans le 91. Mmh. Je suis reparti au Portugal quand j'avais 10 ans. Donc j'ai appris à parler français d'abord. Et toute ma culture musicale, c'est une culture française en fait. Mmh. Mais après j'ai commencé à parler portugais et j'ai fait le reste de 10 ans jusqu'à 20 et quelques au Portugal. Chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des biens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. Obrigado à Skyrock. Yeah. Obrigado la famille. Toi, ta musique, tu la qualifies comment? David? C'est quoi? C'est urban, ce qu'on appelle urban pop? C'est un mix, parce que moi j'écoute vraiment de tout, que ce soit du rap, que ce soit du de la pop, mais je pense que cet album est très proche du pop, pop urbain. Tu veux nous tester, y a pas de problème. Les princes de la nuit sont devant toi. Shazam ne te sert à rien dans l'arène. Tu nous connais déjà. Écoute, Mokobé nous a rejoint et puis un autre arrivant dans le studio, Monsieur Tunisiano qui est là aussi. Petite question sur David Carrera et notamment sur ce qu'on raconte sur toi sur le net. Il paraît que M. Pokora, qui est dans le jury de Danse avec les Stars, a refusé que tu fasses l'émission. Je fais pas la moindre idée, mais je pense pas. Comment on dit en portugais Danse avec les Stars? Ah, bonne question. Ouais, vas-y, je reviens. Dis pas qu'il y a des cheveux parce que c'est toujours, non, c'est on dit toujours ça quand même. Sans rebeu, c'est pareil. Ouais. Ah bah il y a des, c'est pareil hein. Portugal, Tunisie, même combat. Hein. Totalement. Danse avec les Stars au Portugal, c'est Danse com Estrelas. Voilà. Allez, répète après moi. Donche gauche toi. Voilà. Ah, c'est bien. Progresse vite en portugais, Tunisie. T'inquiète, j'ai plein de potes. On va finir avec un live peut-être. Ouais. Tout recommencer. Planet Red. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac. Comment avancer? Mon temps est compté. Comment reculer? Tout recommencer. Yeah. Sur Skyrock. Planet Rock. Planet Red. Planet Red. Voilà ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, dans le Planet Rap. Court, rapide, concentré de ce qui s'est passé hier entre 20 et 21 avec David Carrera et ce soir donc des invités qui sont là. Il y a l'autre moitié de Shinsekai qui vient d'arriver. Ouais. Il est là, il est là, il est là. Il est présent. Oh ah, ah. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le droit. Oh, oh, oh, hein. T'as vu ça? Mais bien. Peut-être que pour David, tu pourrais changer un petit peu cette semaine. Il n'y a pas une variante du OA? On va trouver une variante en portugais, t'arrives? On va trouver d'ici la fin de l'émission. Désolé du retard. Hein. Bah ouais, même bah si ouais. Je suis pas vraiment, bon vraiment. Bon c'est vous commencez avant maintenant. Non, mais ça fait plaisir. On était obligé de venir soutenir le refrain. Dave, on l'appelle Dave. Dave Carr. Le tombeur de ces dames, le charmeur, tu vois. Donc voilà, ça fait plaisir, il nous a invités et on pouvait que reprendre. Bah là, on peut faire un concours de beaux gosses, hein, parce qu'entre vous tous, ce soir. Franchement, on a le Wati PDG est là, on a déjà perdu. Arrête de bire. On a déjà perdu, là, c'est mon. On a perdu d'avance, c'est son Planet Rap. Fallait prévenir avant, là, il a un an d'avance, fallait prévenir l'année dernière. Voilà. Envoyez les messages justement avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. On va débuter avant de parler un petit peu de l'aventure de cet album Tout Recommencer qu'on écoutait. D'ailleurs, on écoutait un extrait à l'instant. Ouais. On débute Vizel K.O. Ouais. Avec Snoop Dogg. Avec Snoop. Oui. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, on fera aussi un quiz Snoop Dogg. Ah ouais. On verra si tu es calé. Tiens, ce sera un quiz face aux membres du Watibek, Gary, si tu veux aussi, qui est dans d'accord. L'équipe. Je sais pas dans quelle équipe tu veux le prendre avec toi, avec Watibek. C'est mieux, quoi. Tu veux gagner ou quoi? Je le comprends pas. Avec Fred, moi, on est les Roumains. Très bien, j'ai toutes les réponses. Dans un instant, on fait le quiz Snoop Dogg avec vous aussi. Bougez pas. Et là, on écoute donc Snoop Dogg, associé à David Carrera, c'est Vizel K.O. et c'est ça. David Carrera, Big Snoop Dogg. We doing this one for the kids. All love, peace. Ja! Rastafari. Derrière les airs invincibles de nos héros tranquilles, il y a toujours le même chaos, les mêmes moments difficiles. Et quand c'est à moi d'avancer, faire revoir mes pensées, ces géants qui me donnent l'espoir, la force et l'envie d'y croire. Moi, mais Bali a eu peur de tomber. Papa, Gino, de mauvais scénario. Sur un terrain ou un ring, Jordan, Jackson, Luther King. Et comme je me suis dit, da da da da da da da, frapper, viser le KO. Da da da da da da da, gagner sa place en haut. Da da da da da da da, frapper, viser le KO. Da da da da da da da, c'est tout ce qu'il nous faut. Snoop Dogg. Peace in the streets, all drama free. So slick and so quick, but I'ma do it honestly. Inspire and uplift the youth. Lead with direction, speak on the truth. Snoop Dogg. Presley and Double Mo P. David Ferreira. Like this. Big Snoop got game to obtain, for real though. Come here though, do what I feel though. Turn it up loud, so I can go ahead and break it on down, down, down. David Carrera avec Snoop Dogg, à l'instant Viser le Chaos, c'est extrait de l'album qui est dans les bacs qui s'appelle Tout Recommencer avec nous entre 20h et 21h. Ouais. Et avec Dry ce soir, avec Shinsekai, avec Gary Fico. Tu disais que Gary, il est aussi à l'origine de l'aventure de cet album. Bah oui, oui. Bah en fait, on a commencé. Le premier titre qu'on a fait ensemble, c'était Boom. C'était le premier titre de l'album. Et c'est un peu le titre qui a fait, qui a conduit tout le reste de l'album, en fait. Il nous a montré un peu le délire du reste de l'album. Après, on est parti vraiment dans des genres différents. Obrigado et Chant. Gary, toi, t'as quel rôle sur l'album? T'écris, tu composes, tu. Ah, et d'ailleurs, on t'entend plus. Tu t'es bon, tellement donné pour cet album que tu n'as plus de voix. Non, je disais, sur cet album, je suis surtout réal. J'ai réalisé 9 titres de l'album. Et avec mon équipe Emus Farmer et mon acolyte Dalvin, qui peut pas être là ce soir parce qu'il a un petit problème de santé dans sa famille, et on le salue. Et bon, salut, ouais, bon courage. On a fait 9 titres de cet album et. Voilà, on est très fiers, c'est une vraie histoire, c'est une vraie aventure humaine avant tout, comme un peu avec Tal. On a créé des liens et voilà, je suis très fier de cet album et je suis surtout très heureux pour David parce que c'est vraiment, voilà, vu qu'il dit que je suis le grand frère, je peux le dire, c'est un gamin génial. Quelques dossiers à sortir sur l'enregistrement ou hors enregistrement? Ah, si tu veux, il y en a d'autres, hein. Bah. Si tu balances les dossiers, moi j'ai un dossier, tu vas voir. Non, je dis pas. Gary. Non, non, moi j'ai des bons dossiers sur Gary. Dossier. Fais gaffe si tu sors un dossier, mec, t'es mort. Bon, 0-0 pour l'instant. 0-0. Ok, très bien. 0-0. Avant 21h, on va essayer de suivre. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi comme autre morceau? Tu veux qu'on balance quoi ce soir? Je pense tu veux qu'on mette le morceau avec Dry? Parce que ça aussi, l'aventure avec Dry, ça fait partie. Beaucoup de gens t'ont découvert avec ce morceau. Ouais, bah en fait, c'est le premier morceau et c'est. Pour moi, c'était important que le premier morceau parle de mes origines, parle de la famille. Et pour moi, c'est très important. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui. Une vraie famille. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là et qui doivent se créer leur famille avec leurs amis, etc., etc. Donc c'était important pour moi de parler de ça sur le premier titre. Et voilà. Donc. Et Dry, le shot Dry, toi, Dry, t'as dit oui tout de suite. Tu connaissais un peu justement le parcours de ce garçon ou pas, Dry? Non, je connaissais pas. Non, je connaissais pas. Bon, on m'a dit que c'était le fils de David, de Tony. Tony Carrera. Et ça t'a parlé, tu dis merde, Tony Carrera, un mafieux. Désolé, je ne connais pas. Donc après, on m'a dit que bon, elle m'a expliqué un petit peu. Donc je me disais un peu, bon, c'est le fils d'eux, donc c'est toujours un peu, voilà, tu vois. Est-ce que c'est pas un petit caprice qu'il veut faire, un petit truc? Non, peut-être pas ça, mais bon, je me suis dit, ça va pas être quelqu'un de très très simple, quoi. Et c'est tout le contraire, finalement. Quand je l'ai vu, on s'est vu sur le clip, franchement, c'est quelqu'un de super agréable, super gentil, super respectueux. Et franchement, on a... C'est ça, il y a des gens, tu le sens tout de suite quand tu les apprécies, tu vois. Il suffit de 10 minutes, tu comprends tout de suite que tu vas... S'il y a un truc, un film qui passe, ouais. Et c'est ce qui s'est passé, et depuis, franchement, c'est pas... On collaborait ensemble avant, et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un ami, finalement, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Beau gosse, qui est beau gosse. Non, franchement, au-delà de ça, franchement, c'est quelqu'un de super gentil, très agréable, et que j'admire aussi, et je pense que... Et tu sais qu'il est du 9-4 aussi? Ouais. Vous avez discuté du 9-4. C'est ça où il habite. Hein. Vous voulez savoir où il habite? Bah oui. Non, franchement, c'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre. Je regrette vraiment pas ce morceau. Parce qu'au début, j'étais pas sûr, vraiment sûr de le faire, ne le connaissant pas. Mais aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir fait et de le connaître. On va peut-être le mettre d'ailleurs, au Brigade de la famille. Je pense qu'on peut se le faire. On peut se le faire. Ouais, juste avant, tu veux dire peut-être un mot sur Drake que tu as dû connaître avec la mafia Quinfré pour le coup. J'ai écouté la radio hier, il en a déjà dit assez. Non, mais il a parlé de Kobe, mais il n'a pas parlé de Drake. Non, je l'avais déjà dit hier. Si, pour moi, c'est super de pouvoir partager cet album avec des références. C'est sûr que. que jamais j'avais pensé que je pouvais faire un titre avec Dry. Bon, Dry qui n'était pas le plus présent, là, m'a fait qu'un frère à l'époque. Ouais, c'est-à-dire mais que un petit peu effacé quand même. Un petit peu effacé de tous. Mais qui était là. J'ai toujours été, là. Derrière un peu les autres. J'ai jamais voulu trop montrer. Mais c'est vrai que ces dernières années, t'étais très productif, notamment avec les albums solo. J'ai pris confiance en moi, mes petits frères m'ont donné confiance aussi. Donc voilà, on a pris un peu sur nous et on a fait ce qu'on aimait faire finalement, la musique, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, c'est ça. Non, c'est pour moi, c'est cool de pouvoir partager cet album avec lui et c'est cool quand tu peux partager ton album avec des gens que t'apprécies humainement et que t'apprécies musicalement aussi. Exactement. Donc c'est que du bonheur. Et ben on écoute au Brigado la famille et puis après on parlera aussi de cette rencontre avec les Chine Sekai dans un instant. Et on fera aussi juste avant la pub, tiens, le quiz Snoop Dogg. Carrera David D-A-Y What-Y-B. Obrigado la famille. Tous mains dans la main depuis qu'on est gamins. Unis pour toute la vie. Rien ni personne ne nous séparera. On n'a pas toujours les mots. Pour se dire je t'aime, il en faudrait trop. Obrigado la famille. Celle qui m'apprécie, qui m'accepte comme je suis. Chaque que je vous vois, je sais que vous faites partie des miens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. On s'entraide entre nous et ça nous suffit. La famille. Yeah. Obrigado la famille. Obrigado la famille. On s'entraide dans la famille. J'amène toucher la farine. Quitte à galérer rue Staline. On s'installe si les cœurs salines. Le courage mieux que l'argent. Faut qu'on agisse pas de salive. Désolé monsieur l'agent. Mafia africaine l'emblème. Ensemble on a tout fait. Ensemble on a douté. À s'en dérouter. Mais soudés comme des si à moi. Jamais on ne se fie aux lois. On sort comme des rois. Même dans la merde. Tant qu'on est sous un toit. Ne simule pas l'amour entre nous. Pas de bluff chez nous. Et pas de boss. Si vous êtes contre nous, on se reste contre vous. C'est chaque fois que je vous vois. Je sais que vous faites partie des biens. Partie des biens. Chaque fois que je vous vois. Que je vous je vois. Me sens chez moi. Je me sens si bien. Quoi qu'il arrive, on s'entraide entre nous et ça nous suffit. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh la famille. Oh oh oh oh oh oh en brigade dans la famille. La famille sur Skyrock. Obrigado la famille. Quoi qu'il arrive, on s'entraîne entre nous et ça nous suffit. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. On s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh la famille. Obrigado la famille. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec à l'instant le morceau Obrigado. Obrigado. Qui veut dire merci, hein. Qui veut dire merci. Merci. Il y a Obrigada aussi, non? Obrigada, c'est pour les filles, en fait. Voilà, c'est ça. C'est quand tu dis merci. C'est pour la version remix que vous allez faire. Après, Obrigado, il y aura Obrigada, la famille. Toujours pareil. Non, mais c'est ouais, c'est. Ça sera peut-être pas avec moi, par contre. Non, en fait, Obrigada, c'est quand tu le dis à une fille, en fait. D'accord. Donc, voilà. Et sinon, Obrigado. Obrigado, tu peux le dire à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Obrigado, Obrigada. Petit cours de portugais aussi chaque soir entre 20 et 21 avec David Carrera. Et là maintenant petit quiz, je vais demander à nos amis de Shinsekai Aïe. De se rapprocher. Gary, tu vas être dans quelle équipe? Watibé ou l'équipe David Carrera? Si tu veux gagner, on fait bien. Moi, je vais aller à mon équipe. Le Portugal, parce qu'il est pas terrible. C'est vrai qu'en plus il était tout seul le pauvre, donc c'est bien. Donc il y a Gary Fico. avec David, ils sont ensemble, et l'équipe Watibé, voilà, voilà, face à vous. Donc c'est le quiz Snoop Dogg, puisque évidemment tu as collaboré avec Snoop sur le morceau qu'on écoutait tout à l'heure, Viser le chaos. Donc petit quiz, on va voir si vous connaissez tous vos classiques. Attends, tu peux leur donner les micros, s'il te plaît. Oui, il faut donner le titre parce que l'artiste est... un peu simple. Tu vois, c'est simple. L'artiste, c'est simple. C'est Snoop. Donc il faut trouver les morceaux de Snoop. Généralement, il est pas tout seul. D'accord. Ouais. Parce que moi, tu vois, je connais les sons, mais après les titres... C'est un quiz duo Snoop. Okay, on est là aussi. Alors attends, ce qu'on peut faire éventuellement, que les règles au moins soient fixées dès le début, si vous me donnez le deuxième artiste qui est aux côtés de Snoop, ça compte. D'accord. Ok, ça marche. Let's go. Allez, c'est parti. Premier extrait. Wiz Khalifa. J'ai dit en premier. Hein. Ah, je sais. Non, c'est sûr. Le replay. J'ai dit en premier. Fab, je sais pas. Pour la première fois, j'ai un vrai doute. Attends, Young Wild and Free. Il a pas dit le titre. Young Wild and Free. Pas du tout. Le titre, c'est Jeune Sauvage et Libre. Jeune Sauvage et Libre. Ah oui, t'entends pas, merde. Bah oui, c'est. Ah ouais, il n'entend pas. Vodka, bah oui. Bah tiens. Voilà. Hop, tu vas mettre comme ça. Tu prends une oreille. Ah oui, mais t'as les réponses devant moi, non. Va prendre une autre oreille là-bas, s'il te plaît. Alors attention, donc on va dire que c'est partagé. Un point, c'est... mets pour le WA. On dit que c'est un point pour le WA dans l'oreillette. On a réécouté les. Gary, on t'a dit si tu voulais gagner, fallait venir avec nous. Il paraît que c'est Abou qui a dit ça très très rapidement. Ouais, où est-ce qu'elle est pas venue. Merci Fab. Bon alors attention, le deuxième extrait. Ça arrange à la fin. Pharrell Williams. Ouais, c'est sûr, c'est moi. Bah, attends, c'est nous. Beautiful. C'est sûr, c'est nous. Si on dit le titre, on gagne. Non, je crois que c'est David qui a dit en premier. Non. Et si en plus on chante. Ça venait de Gary. Ça venait de Gary. Un partout. Je ne suis pas sûr. Si, les gars. J'entends rien. Fab qui m'a mis toutes les traductions en français. Je te jure que je vais le mettre sur le site internet. C'est quand même. Troisième extrait. Pussycat Dolls. Welcome to the one. Pussycat Dolls avec Snoop Dogg. En effet, bravo. Tu peux couper les micros de ce côté. Nous avons 2-1. 2-1 pour le WA face à l'équipe David Carrera avec Gary. Putain, il nous a invités, on va pas le laisser gagner. Ça. Attention, celui-ci, ça va aller très vite. Celui-ci, ça va aller très très vite. Vous êtes attentifs, quatrième extrait. Smoke weed every day. Doc. Attends. Et Dr. Dre. J'ai dit Dre, mais. Steve. Ouais, c'est bon, c'est allez-y. 3-1, c'est bon. Attends. C'est next épisode, évidemment. Voilà, 3-1. Tu veux qu'on continue en fait. Encore, tu veux qu'on se dise quoi, son âge. On a pas d'autre. Tu veux son âge, là. Attention, celui-ci est un peu plus complexe, il est un peu plus technique. Sweat. Avec qui? Il a dit le nom du titre. Il a dit sweat, c'est vrai. Ok, donc nous sommes à, je sais plus, 3-2. En plus, le vrai titre, c'est wet. Tu vois, c'est pas sweat. Ouais, c'est vrai, c'est wet en plus. Mais la version censurée, c'est sweat. Tranquille, y a pas de problème. On donne le point, on est bon joueur. C'est 3-2. Attention. Je sens que ça va être David Carrera bien. Non, celui-ci, c'est David peut-être. Non, t'as Gary qui est un peu plus vieux que toi, donc c'est bon, ça peut aller. T'inquiète. C'est pour les plus anciens celui-ci, on y va. Wham quoi. Ah mais qu'est-ce que moi se prend. Après ça, je m'en vais. À la prochaine, les mecs. J'ai même pas entendu le truc. J'ai même pas entendu Tupac. Et en plus, son anglais, il est rincé. C'est vrai. Anglais portugais. American most wanted. David, American most wanted. C'est vrai que tu te démerdes mieux. C'est vrai que tu te démerdes mieux en portugais. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Redis-le nous, s'il te plaît, le morceau de Tupac avec Snoop. America's most wanted. Et tu comptes bientôt faire une carrière aux États-Unis, non? T'inquiète, David, j'ai appelé Beyoncé, elle a dit j'ai trop envie de faire ça avec toi. J'ai dit là j'ai pas le temps, je suis sur Skyrock. Je te rappelle demain. T'as le contact, sérieux? Et en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes à égalité, donc vous êtes très fort, l'équipe du WA face à Gary Feko. Bravo! 3-3 pour finir. Il a pas Gary, t'as pas beaucoup participé, hein, c'était David tout seul. Bon, Gary. Mais maintenant, c'est le quiz avec Daniel Balavoine et Gilbert Montagnier. Gary, on le fait dans un instant après la pub, en effet. Là, je pense sur Gilbert Montagnier et Balavoine, là, je suis chaud, moi, je vous le dis. Et ben, ne bouge pas, c'est dans un instant sur Skyrock, on revient. Après ça, qu'est-ce qu'on met comme morceau, David? Je pense qu'on peut mettre Je suis ce que je suis. Et ben, très bien. Tu es ce que tu es. Et tu parles très bien anglais. Non, mais j'ai trouvé mieux que moi en anglais, trop fort. Bougez pas, on revient après la pub. Après, faut que tu parles anglais. Ah bah. Gagne 4. C'est David Carrera, notre invité cette semaine entre 20h et 21h. L'album est sorti, il s'appelle Tout Recommencer. Et ce soir, on a invité Shinsekai. Dry est là aussi. Gary Fico est avec toi entre 20h et 21h. Et on va passer un morceau dans quelques minutes. Est-ce qu'on met le morceau avec Shinsekai? Ouais, je pense qu'on peut mettre Je suis ce que je suis. Alors, petit mot sur ce morceau. Pendant que je suis en train de recevoir. Ah, je suis ce que je suis, ok. Ah, parce qu'en même temps, on m'envoie les morceaux qu'on est censé diffuser dans ton planète. Ah ouais? C'est Vlad, je sais pas qui a craqué. Qui m'envoie les messages. Super. Et qu'est-ce qu'il a envoyé? Et ben, il me dit. Un gros big up à Vlad. Invité ce soir, Dry et Shinsekai. Heureusement, c'est bon, on le sait, on a commencé l'émission depuis une demi-heure. On a passé Viser le Chaos, ça s'est fait. On a passé. Ah, Boom, il nous dit qu'il faut qu'on passe Boom. Ok. Voilà. Bah merci Vlad. Merci Vlad, parce que franchement on était perdus. Au cas où on oubliait, t'es toujours là, c'est bien. Et il nous fait des gros bisous, super, merci. Ah, vraiment là, on est refait. Boum, je kiffe bien en plus. Boum, je le kiffe grave. Bon alors mettons, par contre, un petit mot sur les Shinsekai. Toi tu les as découverts comment? Parce que ça, ils font partie de cette nouvelle génération. Bah oui, et moi je les ai découverts sur Taratata. Et je l'avais dit, ils avaient fait un show de malade. Moi j'aime beaucoup quand t'arrives à faire du hip-hop et de mettre des musiciens qui jouent par-dessus, tu vois. Parce que je pense que ça te ramène le côté hip-hop, mais ça te ramène un côté show, ouais, musical, ouais. Musical, tu vois. Et il m'avait bouleversé sur Taratata. Donc toi tu les vois, t'es devant ta télé, tu les vois. Tranquille, en mode main dans le calbut, pépère. Ah bon? Avec Non, attendez. Devant Shinsekai. Tu vois, il sort les dossiers tout seul. En fait, il sort les dossiers tout seul. Fred. T'es sûr, je regarde autre chose, je fais un zap et je tombe sur Shinsekai, tu vois. T'es sûr que c'était pas un film qui s'appelle Shinsekai, mais un film avec des filles japonaises nues? Non. T'es sûr que tu t'es pas planté Il est que 20h30. Hein. Oui, c'est vrai. Redevenons sérieux, je te remercie. Non, mais sérieux, ils m'avaient bouleversé. Ils avaient fait un très bon live et voilà, après j'en ai parlé à Dry et on a fini par travailler ensemble, donc c'est cool. Yep. Et vous, pareil Moi, je l'ai connu par le titre Obrigado, avec DR. Et ensuite, on s'est rencontrés un jour en studio. Et comme DR, il a très bien relevé, David, c'est quelqu'un, quand tu le rencontres, il y a direct un feeling et tu sais directement que c'est quelqu'un qui te bien, tu vois, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Et voilà, c'était vraiment un immense plaisir de travailler avec lui. Et donc, ce morceau est né. Et c'est le dernier morceau. C'est le dernier morceau qui est enregistré. Dernier morceau enregistré de l'album. J'ai participé aussi à l'écriture. Ouais, donc c'était cool, tu vois. On a pu travailler tous ensemble, trouver les idées, etc. Et voilà, c'est un morceau très important pour moi dans l'album. On le balance, tu voulais ajouter, pardon, excuse-moi, Dadjo. Tu voulais, oui, bire quelque chose. On me dit que je bire trop, donc je vais. Non, continue à bire. Je vais me calmer. Non, mais comme DR et Tal l'ont dit, c'est quelqu'un de vraiment très simple, très humble, qui te met à l'aise tout de suite, tu vois. Il est toujours souriant, on dirait, il a jamais de problème. T'as jamais de problème. Grave, on dirait, il a aucun problème. Aucun problème, c'est quoi le délire? Jusqu'à c'est chiant, tu vois, ou pas? Pourquoi tu souris? T'as l'impression qu'il saute ta gueule. Et c'est quelqu'un de très simple. C'est un artiste vraiment ouvert, très ouvert, tu vois. Il se limite pas à faire ceci ou cela. Si tu écoutes bien son album, il y a un peu de tout, comme nous-mêmes on essaye de faire chez Shinsekai, tu vois. Vous êtes ouvert, quoi, sur plein de sonorités différentes. C'est pour ça que j'aime bien cet artiste, en plus d'aimer l'être humain, tu vois. Et pas de phrase tordue, parce que je te vois venir toi aussi. Fred. Oh bah non, là je t'écale. Je vois que tu dévives beaucoup à 20h30. Et donc voilà. Et puis j'aime bien aussi comment l'énergie qu'il a, tu vois. On a pu voir faire Obrigado avec Dry pendant le concert de Dry. Franchement, c'était une dinguerie. Et puis on l'a vu aussi, on a eu l'occasion de le voir aussi. On s'est croisé en showcase. Et un showcase où il y avait 90% de meufs, tu vois, parce que. En fait, pendant que je chantais, eux, ils essayaient de pécho partout. Nous, on était derrière la cabine DJ, tu vois. Ils disaient, t'inquiète, David, on s'occupe pour toi, on va chercher. Les rabatteurs, quoi. Il y avait une bonne ambiance, donc comme je t'ai dit, il a une bonne énergie, c'est un très bon artiste, et voilà, le CD est toujours dans les bacs, donc allez le choper. Bon, ça va, t'as réussi à tenir jusqu'au bout, hein, sans dériver, bien. Sans dériver, c'est bon, non? C'est bien. On a le droit de mettre le morceau maintenant, on y va, on le balance. Let's go. Love, love, love, love. J'ai de l'ambition 20 ans aujourd'hui. Je voudrais me laisser porter par la vie. Un jour je bois, l'autre je fume aussi. Je sais que c'est con, mais je suis ce que je suis. Il en est ainsi. Si je te dis que je souffre, c'est que je sais ce que je dis. Et je vis ma vie dès aujourd'hui. Personne ne pourra me l'enlever. Mais je suis. J'avance dans le brouillard, je cherche sans trop savoir où le bonheur se cache. Y'a des soirs, je m'y perds. Je pense à la vie et je désespère. Personne n'entend mes signaux de détresse. Mon futur n'est pas celui que j'espère. Je sais que c'est con, mais je suis ce que je suis. Il en est ainsi. Si je te dis que je souffre, c'est que je sais ce que je dis. Et je vis ma vie dès aujourd'hui. Personne ne pourra me l'enlever. Mais je suis ce que je suis. Il en est. David Carrera, Shinsekai avec nous aussi ce soir dans le studio entre 20h et 21h avec Dry, avec Gary Fico aussi pour le Planète Rap de David Carrera. Je suis ce que je suis. Yeah. C'est ce qu'on écoute à l'instant et un extrait de l'album Tout Recommencer qui est dans les bacs. Ouais. Voilà. Tout dans les bacs, disponible depuis le 25 août. Mm-hmm. Et hier c'était marrant la promo de Moko. en mode il a fait la promo 15 fois pendant le... Moko, connaît le boulot, lui. Très très fort Moko, ouais, B. C'est vraiment très très mais fort. Je pense qu'on va l'utiliser pour tout ce qui est promo. Mais tu as tout à fait raison, il faut y on aller. On va prendre sa voix, on va lui demander si c'est possible. Moko, si tu nous entends. Dans un instant, vous ferez le live avec Dry, justement, d'Obregado. Ouais. Il y a une... Ah, merde. En même temps, c'était la question que je devais poser. Bon, on va vous trouver une autre question pour repartir avec l'album dédicacé. Non, parce que la question, c'était genre, avec quel titre a-t-il été connu ici en France? Voilà, on a fait la réponse. Donc, on va trouver une autre question et dans quelques minutes. On me communique dans l'oreillette qu'on a déjà une autre question. Quelle équipe incroyable. Mais gros, faut vraiment que tu trouves quelqu'un d'autre. Parce que là, toi, ça va plus du tout. Tu fais trop d'erreurs. Tu donnes les réponses avant les questions. Debeng, il avait fait ça bien la semaine dernière. C'est quand votre prochain album, vous, les gars? Que je m'en occupe très sérieusement. C'est quand la sortie? Au printemps. Voilà. Au printemps. Printemps 2021. On en reparlera à ce moment-là. Merci à vous. Bon, sur Skyrock entre 20h et 21h, la question. Donc, j'ai une autre question qui m'est arrivée directement dans l'oreillette. Parce que quand on a mon âge. Heureusement que t'as une équipe derrière. On a une oreillette. Merci, Pam. Qui sont les artistes en featuring avec David Carrera sur l'album Tout Recommencer? Allez-y. Vous balancez avec le hashtag David Carrera sur Skyrock avec le 41759. Prénom, numéro de téléphone. Si vous avez les bonnes réponses, vous repartez avec l'album dédicacé. Bah, moi aussi, je sais. Ouais, moi aussi. Donc, il n'y en a pas qu'un en plus. Non, il n'y en a pas qu'un. Il y en a même plusieurs. Il n'y en a même pas deux. Ah non, il y en a trois. Plus de trois d'ailleurs. Ouais. Allez-y, 41759. Vous balancez les noms des featurings sur l'album de David Carrera. Et là, par téléphone, on va faire un tour du côté d'Arpajon dans le 91 avec Yasko. Salut Yasko. Allô, allô. Ça va bien Yasko? Ouais, salut Fred, ça va quoi les gars? Ça va, je te présente un peu tout le monde. Il y a l'équipe du Watibé avec Dry, avec Shinseka, il y a Gary, il y a David Carrera. Et go big up les gars. Yep, big up à toi amigo. Et il y a toi maintenant en freestyle, Yasko. Prêt, vas-y, je suis prêt. Prêt à tout donner en 1:30? Ah, vas-y, vas-y, je vais montrer aux mecs du WA et à tous qui sont là. C'est quoi un gars du 9-1? Montre-nous, quoi, donc. Allez, c'est parti. Yeah. Ah. Double double you boy. Yes. Yes, cool, good. Ok. Je suis libre. Je suis libre. Eh. Je suis libre. Et quoi qu'ils disent, personne m'empêchera de vivre. Ça c'est pour les gens comme nous, boy. Ok. Eh. Faut que je me parle loin d'ici, voir où la lune se lève, comprendre où le soleil se couche, savoir que deviennent mes rêves. Nouveau siècle, gangster virtuel, maintenant y'a moins de faits divers dans les journaux que sur les pages web. Grimpe au sommet, l'espoir ça donne des ailes. Dis-toi que le Kilimanjaro est aussi petit que la tour Eiffel. Monde de dingue, je me questionne, atteindrai-je la vingtaine sans qu'un de mes membres se sectionne. Ma vision se trouble, que dois-je faire? Demander à un borgne de jeter un œil dans mes affaires, j'en paierai le salaire ou bien le prix fort, car la richesse se trouve dans le cœur, pas dans des disques d'or. Tu veux savoir pourquoi la coupe est pleine? Car c'est pas des mots mais des larmes que j'ai au bout des lèvres. Je te présente juste ma vision du monde. Désolé si je te fais basculer dans la pénombre. Yeah. Ok, Yasko à l'instant d'Arpajon en freestyle. Aïe. Merci à toi Yasko. Yeah. Bravo, t'as un petit dédicace à passer, petit message à passer, on t'écoute. Ouais, bah un gros big up à mon gars sur Jordan qui m'a inscrit en petite surprise. Voilà, gros big up à toi, ma petite gueule, ça me fait plaisir. Et aussi un gros big up à mon frère sur G-Beat, gros beatmaker. Et voilà, un gros big up à tous ceux qui m'écoutent de la France, de partout. Et surtout à tous mes gars et mes sœurettes, mes frères d'Arpajon, voilà. Et big up à vous les gars, Simer. Big up à toi, amigo. Big up. Allez, merci gars, à toi, Yasko. Ciao. De rien, les gars. Allez, ciao. Passe une bonne soirée. Yasko à l'instant en freestyle. On est prêt pour le live avec Dry? Ouais. Obrigado. Toujours fidèle au poste, toujours prêt. Répétez le portugais. Obrigado. Non, c'est la version française qu'on va faire. Ah, d'accord, très bien. Avec le merci, la famille. Merci, la famille. Merci. Big up à la famille. Allez, c'est parti en live maintenant. David Carrera, yeah. Dry. Yeah. D-A-Y, Carrera, David. Carrera David sur Skyrock. Obrigado la famille, celle qui m'a pris soin depuis qu'on est gamin. Unis pour toute la vie, rien ni personne ne nous séparera. On n'a pas toujours les mots pour se dire je t'aime, il en faudrait trop. Obrigado la famille, celle qui m'apprécie, qui m'accepte comme je suis. Ok, c'est chaque que je vous que vois, je sais que vous faites partie des miens. Chaque fois que je vous que vois, je vous je me sens chez moi, je me sens si bien. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Que ça fait. On s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh, la famille. Oh oh oh oh oh oh, obrigado la famille. Obrigado la famille, on s'entraide dans la famine. J'amène toucher la farine, quitte à galérer le Staline. On s'installe si les keufs s'alignent. Le courage mieux que l'argent, donc on agit, n'est-ce pas de salive. Désolé monsieur l'agent, mafia africaine, l'emblème. Ensemble on a tout fait, ensemble on a douté, à s'en dérouter. Soudé comme des si à moi, jamais on ne se fie aux lois. On sent comme des rois, même dans la merde, donc on est sous un toit. Ne simule pas l'amour entre nous. Pas de salle chez nous. Pas de bottes, si vous êtes contre nous, on se dresse contre vous. Chaque fois que je vous vois. Je sais que vous faites partie des miens. Partie des miens, gros. Chaque fois que je vous vois, que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. Hein. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, gros. Yeah. On s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Oh oh oh oh oh oh oh. Skyrock. Oh oh oh oh, la famille. Oh oh oh oh oh oh oh. Obrigado à Skyrock. Yeah. Obrigado la famille. La tue. Obrigado. Carrera sur Skyrock. Skyrock. Obrigado la famille. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, bro. Yeah. On s'entraîne entre nous et ça nous suffit. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. La tête haute, yeah. On s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Ouais gros. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. La famille. Oh oh oh oh. Yeah. Obrigado la famille. Obrigado, obrigado. Ouais, ça fait. Obrigado, obrigado la famille. À l'instant en live, morceau de David Carrera avec Dry. Obrigado la famille. C'est extrait de l'album Tout recommencer qui est dans les bacs. Album de David Carrera qui est dans les bacs depuis fin août à l'instant. Ouais, un bel album, hein. Un bel album à découvrir aussi ce soir si vous connaissez pas l'album. D'ailleurs, tiens, il y avait Abou qui voulait écouter le morceau Boom, c'est ouais, ça? Ouais, Boom, je le kiffe grave. Parce que maintenant, comme toi aussi, tu pars sur une carrière solo puisque tu as quitté ton acolyte. Ouais, qui était vraiment trop désagréable. Qui était insupportable, c'est bien. Donc voilà, on va écouter ton choix à toi. Hein. Moi, j'aime bien ma liberté, moi. Ah. Et on n'a pas le droit d'écouter. Pourquoi? Bah, on n'a pas le droit d'écouter, donc. T'as pas eu le message de Vlad ou t'as pas eu le message de Vlad ou quoi? Ah merde. Vlad il a dit on peut pas écouter ma liberté. On est obligé d'écouter ça, vous arrangez entre What You Boy. Qu'est-ce qu'on choisit? Tranquille, on écoute Boom. Moi je voulais juste dire que j'aime bien ma liberté. Il y a un dernier morceau à passer, qu'est-ce qu'on fait? Dédicace à ce morceau. Bon, on l'écoutera demain, promis, Dry. T'inquiète, je suis branché moi. On mettra demain. Ouais, on le met demain. Dédicace à Tal, je sais pas si elle écoute. Et dédicace à Wiz Khalifa, je pense qu'il est en train d'écouter là. Bah oui. On envoie une petite. Il est à Los Angeles en ce moment, ouais. Wiz. Oui, c'est... Il a la pas lui dire un mot en anglais. Attends, je vais te lâcher un mot en anglais, t'es prêt? T'es prêt? Tu veux voir? Attends, sérieux, je parle bien anglais. C'est là, tout à l'heure, j'étais en mode pression, c'est pour ça. Wiz Khalifa, if you're hearing me tonight, yeah. I'm gonna say, bring some smoke, please. Je sais pas si on a le droit de le traduire, mais sûr, il veut fumer un gros joint, donc il demande de l'herbe à Wiz Khalifa. Tu comprends si je parle anglais, tu as pigé. Bien sûr, là on a pigé. Non, franchement, on abuse de pétale. Et avec Snoop, ça se passait bien pour parler avec Snoop. Non, tranquille. Il parle portugais. Non, mais tranquille. Je comprends tout ce qu'il dit, mais je parle pas très bien. Bon, en tout cas, ça c'est un morceau qui pourrait cartonner aussi aux États-Unis. Il s'appelle Boom, donc c'est simple en traduction. Voilà. Et on va le balancer maintenant. Il est extrait de l'album de David Carrera. C'est parti. Comme dans un film au ralenti, zoom. La dernière image, toi qui t'enfuis, boum. Tu as dit c'est la vie, t'es parti et boum. Dehors il fait gris, clap de fin, puis boum. Le taxi en bas qui démarre et boum. J'ai le cœur qui bat au ralenti, boum. Dans tes yeux je vois tout est fini, boum. Notre histoire d'amour sous la pluie c'est cool. Ne pas repenser à toi surtout. Sortir faire comme si je tenais le coup. Ton souvenir me poursuit. Tu es dans toutes mes nuits. Tu m'aideras à ne plus repenser à nous. Tu es parti et c'est trop tard. Tu es parti sans un regard. Tu m'aideras à t'effacer de ma mémoire. J'ai essayé de t'oublier. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tort. J'ai essayé de m'évader. Quoi qu'on pense et qu'on efface, l'amour a parfois tort. Je pense à toi, je te vois partout. Je rêve de moi, mais je rêve de nous. Au fond de moi, je deviens fou. J'ai peur de plus savoir aimer. Yeah. Comme dans un film au ralenti, zoom. J'essaie de cacher mes larmes qui coulent. Je me sens tout seul, perdu dans la foule. Tant de souvenirs quand moi je refoule. T'as dit c'est la vie, tout est fini, boum. En quelques secondes, un monde qui s'écroule. Ne plus regarder ces photos de nous. Depuis ton départ, c'est la fin de tout. Sortir faire comme si je tenais le coup. Mais tout savoir loin d'ici me rend fou. Ton souvenir me poursuit. Tu es dans toutes mes nuits. Qui m'aidera à ne plus repenser à nous. Tu es parti et c'est trop tard. Tu es parti sans un regard. Qui m'aidera à t'effacer de ma mémoire. J'ai essayé. L'amour a parfois tort. J'ai essayé de m'évader. Wouh! Quoi qu'on pensait qu'on défasse, l'amour a parfois tort. Je pense à toi, je te vois partout. Je rêve de moi et je rêve de nous. Au fond de moi, je deviens fou. J'ai peur de ne plus savoir aimer. Déjà dans les bails. Va l'acheter. Là, là, maintenant, là. Suite. Tout de suite, tout de suite, là. Sur Skyrock. Yeah. J'ai essayé. Il a essayé, ouais. De t'oublier. De t'oublier, ouais. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tant. De m'évader. Quoi qu'on pensait qu'on défasse, l'amour a parfois tort. Je pense à, je te vois partout. Je rêve de, mais je rêve de nous. Au fond de, je deviens fou. J'ai peur de ne plus savoir aimer. Essayer, t'oublier. Continue. C'est fini. C'est fini. Si on pouvait continuer jusqu'à 21h30 comme ça. Il m'a mis dans une ambiance là. Une bonne vibe là. Là je suis dans une ambiance si tu vois ce que je veux dire. On voit tout à fait ce que tu veux dire à l'instant. Merci en tout cas à vous d'être passé dans ce Planète Rap au Chine. Merci Sky, évidemment. À David Carrera de nous avoir convié à son Planète Rap. À Drake qui était là. Gary. Je voulais passer un petit coucou à Mathieu qui est là. Mon associé aussi qui fait tout, qui a fait les clips de David, les clips de Tal. Qui a fait dribble. Et les gars, il a un petit. Aussi. Il me saoule en ce moment parce que le billet est facile. En ce moment, ça y va. Et ben merci Gary d'être passé en tout cas. À très vite. Cool, merci. Shinseka, il y a très vite en solo, hein, les gars. Ouais, pour 2020. Je crois, c'est fou comme non, je prends en toi. Ça devrait être. Non, ça devrait être. C'est vraiment, t'as un avenir, tu sais que t'as un avenir. Oui, sans Dadjou, j'ai un avenir. Ouais. Imagine. Ah ouais, d'accord, Fred, toi le délire. La blague, t'as pas trop fait kiffer. Je vois l'ambiance. Je vois le délire. Pas du tout, je suis pas du tout rancunier. Moi, il n'y a aucun problème. Je veux te dire que tu t'en sors super bien. Ah ouais, quelqu'un qui veut revenir. T'inquiète, moi, je pense que. Non, sérieux. Tu seras le bienvenu demain, après-demain et jusqu'à vendredi. Tout est bien préparé, tout est calé, c'est trop. Tu as entendu ça? Non, lourd. Voilà. Moi, j'ai toujours kiffé. Fred, il a trop de t'inquiète, je lui passerai un mot pour toi. Il a vu gamin. Drake aussi, trop fort. Tu reviens quand tu veux, Drake. Franchement, ça m'a fait plaisir. On t'attend aussi très prochainement. Merci beaucoup. Et puis, on rappelle que d'ailleurs, Wattibé, vous êtes en tournée en ce moment. Il y a avec l'album Les Chroniques du Wattibé. Ouais, on est en séance dédicace. Séance dédicace. Ça a commencé lundi? Non, ça commence. Ouais, ça a commencé lundi à la Wattibé Boutique. Demain, on est à Caen. Et demain, on est à Caen, ouais. Et c'est bientôt à Never. Je sais pas où. En tout cas, n'oubliez pas d'aller choper l'album de David tour Carrera. Recommencer. Les choses se passent à fond. L'album est lourd, on vous l'a dit. Très bon album. Allez choper. En tout cas. Et surtout, j'ai oublié de le dire, demain, moi, je suis dédicace. Ouais. Dédicace. Ah, à 15h. À 15h. Je peux pas dire où, mais c'est la FNAC, des Halles. Ouais, la FNAC des Halles. Et voilà, à 15h, dédicace pour l'album Tout Recommencer. Et bah, tous ceux à la FNAC des Halles. Venez nombreux. Et pour ceux qui veulent, je pense que ce sera nombreuses. Oui, ce sera nombreuses demain à 15h. Et pour ceux qui veulent, la FNAC, elle ouvre encore jusqu'à 10h. Heures, là. Pour ceux qui n'ont pas le disque sur les champs, la séance dédiée. Ou sinon, il y a toujours voilà, hein. Précommandant, on commande tout de suite, on peut l'avoir tout de suite. D'avoir là aussi le vrai CD. Gary, toi, tu es à l'ancienne, tu as raison. C'est bien d'avoir en effet avec les jolies photos à l'intérieur. Avec les paroles. On fait tourner la roulette et on retrouve Diffoul juste après, c'est parti. Alors, qui a envie de jouer? Skyrock t'offre SimCity G2 pour elle, au ciné, plus ta nouvelle tablette tactile. Salut Nolwenn. Salut. Ça va bien, Nolwenn? En forme? Oui. À Saint-Sauvy, dans le 32. Bienvenue, Nolwenn. Je te présente David, qui est là, David Carrera. Les chiens s'écaillent. Dry est là aussi. Salut. On connaît bien Nolwenn. Oui. Tu aimes beaucoup? Eh oui. Et ben voilà, il est là, il t'écoute. Eh ben, continue comme ça. Et puis, j'ai déjà acheté l'album, donc je l'écoute. C'est un plaisir. Demain à la séance dédicace, alors. J'habite un peu loin. Ça fait loin, Saint-Sauvy, le 32, c'est un peu loin. Bon, fais tourner la roulette, Nolwenn. Allez, c'est parti. Oh, ouais. Tu vas être récompensé pour ton soutien, David. Pas de soucis. Dis stop dès que tu veux. Stop. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, c'est fait. Non seulement il y a les places de ciné pour aller voir Sin City qui sort demain, hein, le film. Aïe. Événement à pas louper, mais il y a la tablette Samsung Galaxy Tab 4. Oh, et ben parfait. Qui va avec, c'est pour toi. C'est et parfait. Ben merci. Et ben on te fait des bisous, Nolwenn. Bah, et bisous à vous aussi, bonne soirée. Merci, et ben bonne soirée, Nolwenn. Merci. Ciao, Nolwenn. Et merci à vous tous. Merci au Shinsekai. Merci à Drahi. Merci à Gary. Et merci à toi, David. Demain de retour entre 20 et 21. Ouais. On fait un point football 0-0 entre Monaco et Bayer Leverkusen au bout de 7 minutes de jeu. C'est vrai qu'il y a du foot à suivre, on va le retrouver chez Difool maintenant. Oui. Yes. Qui est là, je t'entends. Ben oui, on est là aussi. 7 minutes de jeu, pratiquement 8. Monaco, Bayer Leverkusen. On suivra également Arsenal, Dortmund, Arsenal même. Eh ouais, ouais. On a eu Aubameyang qui joue à Dortmund. Pardon. Ah merde, tu m'as grillé, mon jeu. Mais qui jouait avant à à Saint-Etienne. Ouais. Ah oui, chez les Verts, bien sûr. Impiégeable, Fredo. Ah, premier sur le foot. Premier sur le foot, vous pouvez y aller là. Bon, David, merci pour cette soirée. Obrigado, même comme on dit. Obrigado. Obrigado, bonne brigada. Obrigado, la famille. Hey, j'ai kiffé ta version de Gigoté. On est tous fans dans le 9-4. Ah bah merci. Big up à tout le 9-4. J'avoue, ça tourne grave dans le 9-4. Ah bah là, il y a des bah tu sais, Fred, Aubameyang hier m'a dit qu'il avait kiffé ça. Ouais, c'est vrai, il l'a dit. Oui. Tout le monde kiffe cette version. Tout le monde kiffe. Hein. On attend le clip avec impatience. Bah Fred, il faudrait que tu me tuyautes sur des caméramans pas chers. Tu as vrai dire, on galère un peu au niveau des moyens techniques. Ah mais je croyais qu'il avait été tourné là dernièrement, non? Mais non. Ah non. Il est réfléchi. Non, mais ça y est, c'est réfléchi. Ah ça y est, c'est bon. J'ai Momo. Ouais, non, mais justement, on voudrait mais justement, on voudrait faire un truc bien. Et ben ils disent que c'est super bien. Dis-lui qu'on a dit qu'il était super et qu'il est trop bon pour nous. Ouais, je pense qu'il va nous croire. On attend. Moi j'attends que Momo me propose ses services parce que là. Ah oui. Enfoiré. Bon merci Fredo, merci David, à demain. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont passés ce soir, chez Sekai et tous les autres, Derry Grec. Et demain soir 20h-21h de nouvelles aventures dans Planète Rap. De retour. Spécial David Carrera toute la semaine. Merci tout le monde. Tiens, on aura du sport ce soir dans l'émission avec du foot à suivre, mais un invité sportif également. On aura avec nous un invité mystère que vous découvrirez avec nous dans l'émission. Sinon, bah, les invités, c'est vous tous les soirs. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. On vous retrouve tout de suite avec le nouveau Soprano. Ah bah, French Prince. Ouais, que vous avez découvert ce matin dans le morning. Il est passé, venu se réveiller avec nous, Soprano. Vous allez le retrouver dans un instant. Eh bah, le nouveau son. Vous voulez l'écouter, vous nous dites ce que vous en pensez. On se le passe tout de suite. C'est Fresh Prince sur Skyrock. Le nouveau Sopra. Salut Fredo. Salut David, ciao.